2, 1, 2, 3. Il avait un joli bateau et ne buvait pas que de l'eau, Pedro. Il avait une femme dans chaque port et dans chaque port une autre dans les bistrots. Il avait le visage buriné par les vents et par les marées, Pedro. C'était pour nous plus qu'une idole, il nous faisait rêver quand on était chaud. Il jouait de la lame et du couteau, réputé jusqu'à Saint-Malo, Pedro. C'était le roi de la baston, faut dire qu'il était sacrément costaud. Il avait les poignes abîmées par les coups qu'il avait donnés, Pedro. Et nous on disait que plus tard on serait comme lui, c'est ce que pensent tous les chiots. Il portait un caban usé, une casquette sur son crâne tatoué, Pedro. Il sifflotait dans les ruelles, jouait de l'harmonica et du flutio. Un jour il est parti en mer et n'a jamais rejoint la terre, Pedro. Nos rêves sont partis en fumée comme le tabac de ses roulets, Pedro. Il avait le visage buriné par les vents et par les marées, Pedro. La mer était toute sa vie, elle lui a pris, mais nous on restait chaud. Maintenant nous sommes tous orphelins de ce bar, pas un Saint-Pédreux.